le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Étant Yahweh mon Dieu, en tout ton peuple confié.